Tous les soirs à 5 heures, elle retrouvait un drôle de type appelé Clodo. Un type étrange venu d'ailleurs qui vivotait dans ses mégots. Ses 50 ans à lui avaient posé tout le décor. Il se foutait du jour des gens. Il n'aimait que la nuit. Il vivait sans histoire d'ailleurs, sa vie ne se raconte pas. Elle ferait rougir tous les anards qui vivent dans les quartiers les plus bourgeois. Il n'avait rien à dire et ses silences comme des sanglots faisaient rythmer à l'infini l'accordéon et son tango. Mon pauvre amour, dis-moi, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours, redis-moi là que je la raconte. Elle était belle comme une gamine et ses 16 ans. Elle était celle au fond de la mine qui fait rêver les gueules cassées. Elle l'aimait trop, il le savait, mais s'en moquait tout le temps. Mais dans son cœur, elle était celle qui caressait toutes ses pensées. Il l'aimait comme sa fille, ta fille à toi, que tu vois pas quand elle pleure et qu'elle veut se serrer dans tes bras, te dire des mots qui ne se disent pas, et foutre enfin sur l'échafaud ce pauvre con qui se dit papa. Mon pauvre amour, dis-moi, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours, dis-moi là que je la raconte. Toutes les nuits, il récupérait des cartons. C'était pour peindre en symphonie cette gamine et son prénom. Il la peignait sans pinceau avec ses doigts, avec sa vie, et ses peintures, il les jetait au fleuve engourdi, et le fleuve les emportait loin de la ville. Mon pauvre amour, dis-moi, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi là que je la raconte. Elle lui disait, je t'en supplie, arrête de te détruire, redeviens normal. Il l'écoutait, mais il était à l'agonie, il se marrait, mais il avait encore plus mal. Quitte ce pont et tes angoisses, je t'aimerai toujours, viens avec moi, rive d'en face. Mon pauvre amour, dis-moi, dis-moi jusqu'à la honte, dis-moi ta vie toujours, redis-moi là que je la raconte. Elle est partie, elle a grandi, très loin de lui. Peut-être est-elle mariée aujourd'hui, fille de joie, aventurière ou comédie, morte au bout de sa nuit. Elle est partie, rive d'en face. A-t-elle compris le temps qui passe? Mon pauvre amour, dis-moi, dis-moi jusqu'à la honte. Dis-moi ta vie toujours. Redis-moi là que je la raconte.